Le désordre de Serena ne manquait jamais d'étouffer l'espace ou de faire advenir un règne chaotique. Comme un frisson parcourant les choses qui l'entouraient, comme un souffle presque imperceptible qui ne parvenait à faire tomber que les essences légères, il était au contraire le signe d'une sorte de luxuriance. Ces objets, à qui elle vouait pour la plupart une affection sensuelle, n'étaient jamais tout à fait à leur place, et pourtant jamais déplacés. Il y avait toujours sur son passage une traînée de foulards, de bijoux, de papier, qui pleuvaient d'elle comme des pétales détachés par le vent. Elle regardait souvent son désordre, qui lui semblait être l'empreinte de son rapport constant avec le monde. Elle aimait à rester parfaitement immobile dans cet espace animé d'elle-même. En ce début d'après-midi qui s'annonçait d'une lenteur mortelle, elle attendait ainsi, immobile, calme, sans rien faire, au milieu de vêtements essayés puis jetés qui faisaient comme une marelle de couleurs autour d'elle. Elle savait que Brut devait venir la rejoindre. Elle savait que son immobilité allait prendre fin, que quelque chose allait alors la mouvoir du plus profond d'elle-même et que son corps, l'espace autour d'elle, les objets, la lumière même, allaient reprendre sens et s'animeraient à nouveau à cet instant. Mais cela appartenait à l'avenir, et le présent, en ce début d'après-midi, semblait avoir dévoré les autres dimensions du temps. Elle était pure patience, attente vide. Elle se souvenait avec acuité aujourd'hui du bonheur qu'ils avaient éprouvé ensemble. Elle se souvenait de ce bonheur comme on se souvient de son enfance, avec une nostalgie incurable. Oui, ils avaient été passionnément heureux. Ils avaient toujours joué ensemble, depuis leur naissance. Serena avait 3 ans de plus que Brug, mais il était plus aventureux, plus affranchi. Leur adolescence les avait encore rapprochés, jusqu'à cette fusion à la fois charnelle et spirituelle qui les avait fait vivre pendant de nombreuses années. Ils étaient libres parce qu'ils s'aimaient, en cachette d'abord, puis avec ostentation. Ils parcouraient l'île ensemble, ils traçaient de nouveaux sentiers et découvraient de nouveaux lieux. Ils se disaient que leur enfermement n'était qu'un point de vue. Ils lisaient de la philosophie et de la poésie. Ils se fabriquaient un monde où rien ne pouvait les atteindre, car ils étaient à l'écart de tout, dans une exclusion absolue. Serena, en y repensant, s'avouait que Brug avait été seul à l'origine de ce bonheur. Il était assez fou, assez intempérant pour défier le monde, la logique, la raison. Il était assez passionné pour entraîner Serena dans son rêve. Mais ce rêve avait pris fin. Cela avait commencé quelques mois auparavant, peut-être un an. Brug s'était mis à réagir très violemment quand il recevait un ordre. Il s'était mis à boire aussi de plus en plus d'alcool. Comme si l'énergie qu'il avait dépensée sans compter pour les rendre heureux lui manquait soudain. Comme si la réalité, endiguée par lui pendant si longtemps, avait fini par avoir raison de leurs barrières et avait inondé leur monde. Serena s'était retrouvée impuissante, désarmée. Sans la foi de Brug, le rêve s'éteignait. Il restait la vérité. Ils étaient prisonniers dans un univers truqué. Ils ne verraient peut-être jamais le vaste monde. Ils mourraient peut-être dans l'île, sans avoir jamais rien vu, rien fait, rien senti, qui n'ait été épié, prévu et récupéré. Brug avait sombré dans l'ironie et la provocation, et elle, dans une sorte de résignation désespérée. La plénitude qu'elle avait éprouvée s'était changée en un creux infini. Elle se demanda quelles seraient les prochaines étapes de cette évanescence. Sans doute le vide allait-il s'emparer d'elle peu à peu. Elle commencerait à le ressentir lorsqu'il serait là, à quelques mètres d'elle. Il n'y aurait plus alors que le contact de sa chair qui pourrait l'en arracher. Et puis, inéluctablement, la chair se viderait à son tour. La passion deviendrait acharnée, vorace, puis elle se teinterait de désespoir, et le désespoir finirait par la tuer. Le désir se résorberait, et à la fin commencerait la souffrance. Brug marchait à pas lents dans l'ensoleillement immobile de ce début d'après-midi. Il avait l'impression d'être le seul habitant de l'île à cause du silence et de la lumière, aveuglant. Il songeait que Serena l'attendait sans doute, alanguie, peut-être, endormie ou rêvant au milieu du jasmin dont elle aimait tant le parfum. Il avait toujours aimé qu'elle ne souffrît pas de son absence, qu'elle l'admît plutôt dans son sanctuaire. Il l'imaginait souvent seul, jouissant de l'instant avec cette liberté absolue qui le fascinait chez elle. Elle était, comme lui, d'une essence particulière. Elle ne s'enchaînait pas, elle n'essayait jamais de retenir le temps. Elle était belle, profonde et silencieuse, triste parfois, puis d'une légèreté souveraine, changeante comme l'eau. Lorsqu'il arriva en vue du jardin, il s'arrêta un instant pour caresser des yeux ce lieu qui était une part d'elle-même. La folle exubérance des fleurs, leur parfum capiteux répandu dans l'air chaud, portait déjà quelque chose d'elle. Il vit sur le hamac un livre dont les pages voletaient capricieusement. Par terre, une seule sandale où jouait un papillon. Il s'amusa à suivre les signes, à lire ses gestes passés et suivit son spectre indolent à travers les passages qu'il connaissait par cœur. Il ramassa le livre, la sandale, le verre à demi plein d'un liquide ambré. Il dispersa les pétales que ses doigts avaient rassemblés au bord du bassin. Il éteignit l'inutile lumière de l'entrée, referma le coffret d'ivoire, puis monta enfin l'escalier et la trouva immobile au milieu de ses vêtements froissés. Elle le regardait avec des yeux brillants, énigmatiques, et il la contempla un moment en souriant. Elle ferma les yeux en souriant à son tour et éclata d'un rire inattendu, où se cristallisa soudain toute la grâce qui l'animait. « Tu es venu avec ton chevalet ?» demanda-t-elle après l'avoir enlacé. « Oui, j'avais l'intention de t'emmener avec moi au bout de la pointe rouge. » Elle acquiesça silencieusement et sourit. « J'étais en train de me dire que tu avais changé, que tu étais devenu triste, que tu n'avais plus envie de rien. Mais tu démens mes idées noires. » Bruck s'écarta d'elle doucement. Il avait changé d'expression, comme si ces mots avaient placé devant ses yeux un miroir, où il reconnaissait son propre reflet, pâle, terne et défait. « Faisons semblant, veux-tu ?» Elle le regarda sans comprendre, et il continua. « Faisons semblant de n'avoir pas changé. Retrouvons quelques souvenirs, même s'ils doivent nous rendre encore plus tristes après. » Serena saisit un chemisier léger, presque transparent, qu'elle enfila par-dessus sa robe. « D'accord, » fit-elle. Brud la regarda avec une sorte de désespoir. « Ça ne va pas être facile si tu me regardes ainsi, » dit-elle. « J'avais fait des efforts pour nous éviter de broyer du noir, mais tu as tout gâché. »« Il n'est pas trop tard, » reprit Serena. « Prends ton chevalet, partons. Nous irons par le verger pour qu'on ne nous voie pas. » Bruck jeta le chevalet à terre. « Ça sonne tellement faux, je n'ai plus envie de rien. » Il s'affala par terre et se mit à jouer avec les cordons d'une robe bleue qui traînait à côté. Serena fit un peu d'ordre, incertaine de ce qu'il fallait faire ou dire. « Je ne comprends pas pourquoi tout est devenu si difficile, même entre nous, » dit-il. Elle avait envie de pleurer, mais se retint et le prit dans ses bras. « Excuse-moi, » dit-elle, « je n'aurais pas dû te... »« Ne t'excuse pas, tu n'y es pour rien. » Elle lui caressa les cheveux et il retira sa main sans violence. « Nous avons réussi à être heureux pendant le moment, » reprit-il d'une voix atone. « Ta présence me suffisait, te séduire me suffisait, te rendre heureuse me rendait heureux. » Et puis ça ne suffit plus. Tu es comme une drogue à laquelle je me suis accoutumé, sans laquelle je ne peux pas vivre, mais qui a fini de me délivrer. » Serena pleurait silencieusement. Brug attendit un instant, puis la serra contre lui.